Yo mec, c'est DJ Frax. Je t'appelle pour le copyright de notre dernier album, man. Il vient de sortir dans les bacs aux States, aux Starface. J'avais besoin de ta signature pour pouvoir le commercialiser en Europe. Rappelle DJ Frax, si tu veux me rappeler. Hein? Hein mec? Ouais. Hein? Hein? Oui? Oui? Ah voilà, il est moins là? Hein? Hein? Ah bon?